بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. سيزيام لوسون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تمام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 38. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة، والحديث صحيح. وصلوا عبد الله بن زيد رضي الله عنه qu'il fut apporté au message d'Allah صلى الله عليه وسلم deux tiers d'un moud. Un moud, c'est une puisée quand les deux mains sont jointes. Et quatre moud, quatre puisées, ça équivaut à un sa'. Donc deux tiers d'une puisée de deux mains comme ça. Et souvent, le moud, il est basé sur les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des mains de taille moyenne. Cependant, il y a une baraka dans le moud des gens de la Médina. C'est un truc à prendre en compte qui est important. Dans la Médina, il y avait une baraka dans leur moud. Donc il dit, on lui a porté deux tiers d'un moud, alors il frottait ses bras. Ou plutôt ses avant-bras. Le hadith est rapporté par Ahmed, authentifié par Ibn Khuzaymah. Mais il est sahih. Tamam. Donc il dit le masailu wa l'ahkamu al-mustafadatu min al-hadith. Mas'alatun hukmu ad-dalk. Le jugement du frottage, le fait de frotter. Il a rapporté une parole de l'Nawawi rahimahullah ta'ala dans son charh de muslim, où il dit que les savants sont unanimes sur le fait qu'il suffit de faire couler l'eau sur les membres, que l'écoulement de l'eau sur les membres suffit à lui tout seul, qu'il n'est pas conditionné de frotter. Et le seul qui soit individualisé pour avec cet avis, c'est Malik wa al-Muzanni. Afwan, c'est pas tous les savants, c'est les jumhur, les savants, qui sont mis d'accord là-dessus. Parce que ça aurait été le Ittifaqa, il n'y aurait pas dit Malik et al-Muzanni. Donc il n'y a pas Ijma, mais. Et le Shir, il dit qu'il n'y a aucune divergence quant à son côté mustahab, qui est recommandé, par preuve du hadith dans ce chapitre. Et que la parole sortie, c'est la parole du Jumhur, des gens de science, c'est-à-dire la parole qui a rapporté le Nawawi. Par contre, il dit cependant, si un lieu, une partie des membres ne peut être atteinte par l'eau, ce n'est qu'en frottant, alors il faut frotter, ça devient obligatoire. D'accord ? C'est obligatoire. Wallahu a'lam. Après, il précisa et dit que As-San'ani, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans Subul al-Salam, dans son charge de Bulugh al-Maram, il dit que les deux tiers, c'est le minimum d'eau qu'il fut rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour faire l'eau d'eau. Quant à ce qui est venu qu'il ait fait l'eau d'eau avec un tiers, voyez, donc ce hadith n'a aucune origine. Donc le minimum qu'il fut rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut deux tiers d'un moud. C'est-à-dire tes deux mains comme ça, divisé en trois, tu prends deux tiers. Donc d'où l'utilité de frotter. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, faut vraiment étaler l'eau. Tu comprends? Quand tu as beaucoup d'eau, tu peux s'écouler. Quand tu n'as pas beaucoup d'eau, il faut économiser l'eau que tu as. Donc là, tu frottes pour vraiment l'eau, que l'eau aille partout. Et tu conserves le plus d'eau possible avec toi pour le reste des membres. Car à la base, l'israf, le gaspillage n'est pas permis. وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ. Ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. S'ils font l'eau, ils laissent couler l'eau à flot. Des fois, tu te demandes s'il fait un rousse ou s'il fait l'eau. Donc, moi, j'utilise l'eau, mieux c'est. Mais maintenant, si tu as besoin d'eau pour bien faire l'eau, utilise l'eau, tu vois. Et quand tu as fini, par exemple, c'est pas la peine de mettre ton robinet à fond. C'est pas la peine. Tu fais un filet d'eau et tu fais ton eau, par exemple. Car aujourd'hui, c'est une ni'ma qu'on a de l'eau à volonté et à disposition dans les maisons, mais avant, c'était pas comme ça. L'eau, il fallait la chercher. On croit moins bien que les gens faisaient attention. Là qu'aujourd'hui, tu allumes le robinet, l'eau elle coule. Et encore ici, on a encore des citernes. En France, c'est pas de citernes. À part dans les campagnes, dans les villes, c'est. Tu laisses couler 3 heures, ça coule 3 heures. Ici, tu laisses couler 3 heures, au bout de quelques heures, ça ne fait rien. Donc, justement, ça, c'est des ni'ma qu'Allah nous a accordé, tu vois. Et on se rend compte de l'heure. Bien faire, parce qu'on les perd. Donc, les gens qui vont chercher de l'eau dans les puits, ou dans les pompes, ou qui ont des citernes avec une quantité particulière, crois-moi bien qu'il faut attention à l'eau. Non. Taïeb. Donc, il dit après. الحديث التاسع وثلاثون وعنه أي عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذني ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيحقي وهو عند مسلم من هذا الوجه باللفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. Donc le 39e hadith, toujours selon Abdullah ibn Zayd, qu'il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre pour ses oreilles de l'eau autre que l'eau qu'il a pris pour sa tête. Une eau différente que l'eau qu'il a pris pour sa tête. Et le hadith était rapporté par le Bayhaqi. Il est également présent chez Muslim, mais d'une autre forme, où il dit qu'il a essuyé sa tête avec autre que l'eau qu'il a dans ses mains. C'est-à-dire après qu'il a fait l'eau, il n'a pas utilisé l'eau qui reste dans ses mains pour faire sa tête. Il a repris une nouvelle eau. Et ça, c'est justement la version qui est retenue, qui est mise en avant celle de Bayhaqi. Est-ce que j'avais compris sur Hadith, là ? L'eau qu'il a pris pour ses oreilles, elle est différente que ce qu'il a pris pour son ventre. Ouais, c'est-à-dire qu'il a fait sa tête, il a repris une nouvelle eau pour ses oreilles. Et dans la Hadith musulmane, c'est... S'il a pris une autre eau pour sa tête. Pour le... C'est pas dit dedans. Ça va venir, Inch'Allah, dans le sujet là. Donc là, le sujet. Que la première phrase, on comprend d'elle du premier hadith, qu'il a pris une nouvelle eau pour ses oreilles. Et dans l'autre hadith, on comprend qu'il a pris une nouvelle eau pour sa tête. Donc il dit Mas'ala, arz. Ma'in jadidin lil udhn. Le fait de prendre une nouvelle eau pour les oreilles. Après. C'est-à-dire, tu n'utilises pas l'eau qui reste dans tes mains, tu prends une nouvelle eau. Tu reprends de l'eau dans tes mains pour tes oreilles. Il dit que la plupart des savants voient qu'il prend une autre eau pour essuyer ses oreilles. Et d'autres ulama, ils ont pris comme preuve ce hadith. D'autres disent qu'il prend la même eau que sa tête pour ses oreilles, car les oreilles font partie de la tête. Qu'il n'a pas renouvelé l'eau pour ses oreilles. D'accord, l'eau qui est dans ses mains après qu'il ait la tête, il s'essuie les oreilles directement avec. Et c'est une chose qui a été authentifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses propres faits. C'est dans quel hadith ça qu'on a pris? Hadith d'Abdullah ibn Amr. Parce que l'a dit Fama sabira si fa atrala. Qu'il s'est sur la tête et qu'il a rentré ses deux index dans ses oreilles. Il n'a pas été dit qu'il a repris le nouvel eau. Ça aurait été dit sinon. Ça n'a pas été dit. Donc, l'effet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'est pas renouvelé l'eau pour ses oreilles. Et il dit que Al-Mundhir, Al-Awsat, qu'est-ce qu'il dit ? Nous n'avons pas justement d'informations affirmées dans celles qui décrivent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait pris une nouvelle eau pour ses oreilles. Et dans le hadith de écrit Ibn Abbas, mais normalement c'est Abdullah ibn Amr, qu'il ait pris l'eau pour sa tête, ses oreilles, qu'il ait rentré ses deux index et ses deux pouces derrière. C'est-à-dire que là, dans ce hadith-là, on voit qu'il a pris la même eau. C'est la même eau. Ibn Qayyim, pareil, il dit qu'il n'y a rien qui a affirmé qu'il ait pris une nouvelle eau pour ses oreilles. Et le shir dit que c'est la parole prépondérante, celle-là. C'est également l'avis de Sheikh l'Albani et de l'imam Wadi'i, Sheikh Mokbil, et puis Sheikh Ibn Thaymin, rahmatullah alim jami'an. Après, il dit mas'ala, mas'hu al-ra'si bima'in ghayl fadl al-yadayn. Le fait d'essuyer la tête avec une autre eau que celle qui reste dans les mains. Là, c'est le fait justement de prendre une nouvelle eau pour la tête. Une fois que tu as fini tes avant-bras, tu passes à la tête. D'accord ? Donc, quand tu as fait tes avant-bras, il te reste de l'eau dans les mains. Tes mains sont encore mouillées. Est-ce que tu prends cette même eau ou tu remouilles tes mains pour passer sur la tête ? Donc, il dit que le hadith de Abdullah ibn Zayd, dans le chapitre, avec la version de Muslim, démontre qu'il a essuyé sa tête avec autre que l'eau qui lui restait dans les mains. Et certains savants sont même allés jusqu'à dire que le fait qu'il utilise l'eau restant dans ses mains, cela ne rend pas valide l'essuyage de la tête. Qu'il voit que c'est obligatoire qu'il renouvelle l'eau. Pourquoi ? Parce que ça, c'est les savants qu'ils voient que l'eau utilisée, quand on a pris le hadith de Mimouna et de Ibn Abbas, que l'eau utilisée n'est plus valable. Donc ils disent, c'est bon, l'eau, il l'a utilisée pour ses avant-bras. Donc maintenant, il faut une nouvelle eau. Donc ceux qui voient que l'eau utilisée n'est plus valable, eux, ils vont dire justement de reposer sur la tête. Et peut-être même dans les oreilles aussi. Parce qu'une fois que tu as passé la tête, tu n'as plus d'eau. Où il n'y a plus d'eau. Du moins, il n'y a plus de l'eau qui reste à l'utiliser. Donc, ils vont dire, dans la logique de leur déduction, il faudra qu'aussi pour les oreilles, tu prennes une nouvelle eau. Et d'autres ulama disent non, que l'eau qui est dans ses mains, elle suffit et elle est valable. Bien qu'il est préférable pour lui de renouveler l'eau, car cela fait partie de la sunna. Si demain, on dit par exemple qu'il n'a vraiment pas assez d'eau, ou je ne sais pas quoi, ou il a oublié, si ses mains sont encore mouillées ou quoi, qu'il passe sur la tête, c'est valide. Car l'eau même utilisée déjà, elle n'a pas elle n'a pas perdu ses caractéristiques qui la rendent non utilisable pour la purification. Non. Donc le shir, il dit justement que ça c'est le fait de dire que l'eau, qu'il utilise l'eau restant dans ses mains pour s'essuyer la tête, l'eau elle est valable. Et le siège de la tête, il est valable. Mais le meilleur, c'est qu'ils prennent une nouvelle eau. En se basant sur les faits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et on va finir par le 40e hadith. Al-hadith wa arba'oun. An Abi Hurayrata. رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غران محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه واللفظ لمسلم. Donc selon Abu Huraira, le 40e hadith, qu'il dit j'ai entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم dire certes ma communauté viendront le jour de la résurrection avec les membres de l'Odo illuminés, les traces de l'Odo, d'une lumière blanche. Après, une phrase qui est Donc celui qui peut allonger ou ajouter de sa parure, alors qu'il le fasse. C'est-à-dire la parure, l'endroit où il y aura la lumière blanche. Ghurra, c'est une... Ghurra, là-bas, c'est une tache qu'il y a sur le... sur le... la face d'un cheval. Il y a pas une tache blanche, là. C'est ça, à la base. Et Mouhajilin, justement, c'est... C'est une blancheur. Donc là, en fait, c'est quoi qu'il va y avoir? Comme ça t'expliquait que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam auront une lumière sur leur visage et leurs pieds, en fait. Enfin, même sur leur visage et leurs pieds. Et cela dû par quoi? Par l'eau. Plus tu feras l'eau, plus ta lumière va être... plus la lueur sera forte. Naam. Donc attention. Al jumla fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Cette phrase là, les ulama ils ont dit c'est mundarij de Abi Hurayra. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que celui qui peut, qui puisse allonger sa lumière, sa parure, qu'il le fasse. Après avoir fait de longues recherches, ils ont trouvé que cette phrase-là, la vie le plus sûre, c'est qu'elle revienne à Abu Hurayra, ce qui est pour expliquer justement sa façon de faire l'odo, qui était le fruit d'un ijtihad à lui, où lui, il était rapporté que l'odo est monté pour les bras jusqu'aux épaules. Et les pieds jusqu'aux mollets. Par rapport à ce hadith. Pour que sa lumière soit encore plus grande. Et ça, c'est sa compréhension à lui du hadith, c'est un ijtihad. Mais on a eu des hadiths qui démontrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'odo, il n'a pas fait comme ça. D'accord, elle a pas fait comme ça. Donc, la façon de faire l'odo de Abu Hurayra, plus cette phrase, démontre qu'elle vient de lui. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, il dit Mas'ala al-mujawazatu fi ghusl al-yadayn wa rijlayn an al-milfaqayn wa al-ka'bayn. Le fait de dépasser dans le lavage, jusque de dépasser les coudes et de dépasser les chevilles. Certains ulama ont vu que cela était mustahab. Même si elle est de faire plus, de dépasser plus que la limite obligatoire. Et ça, c'est le madhab de la plupart des savants. En prenant comme preuve la parole. Celui qui peut augmenter dans sa parure, c'est-à-dire la lueur blanche, qu'il le fasse. Et Nawawi dit que nos partenaires, c'est-à-dire les Shafi'iyah, sont unanimes sur le fait que lors du lavage des pieds, par exemple, ou des avant-bras, on dépasse les coudes et on dépasse les chevilles. Que ce soit les mustahab. Ah, il cite l'avis de d'autres savants, parmi les gens d'El Medina comme Malik, qui voient que ce n'est, que, qu'il n'est pas mustahab de dépasser la limite obligatoire. Et c'est l'une des paroles de Ahmed, et c'est ce qu'a choisi Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim, et également, parmi les savants contemporains, on a dit, Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, et Cheikh Abdurrahman al-Sa'adi, et Cheikh Abdulaziz ibn Baz, et Cheikh al-Albani, et Cheikh Mugbil al-Wadi'i, et Cheikh ibn al-Uthaymin, rahmatullah alayhim jami'an, ou gairuhum, et autres que. Il voit qu'il n'est pas mustahab de dépasser des limites prescrites et obligatoires. Et sur quoi il se base pour dire ça? Qu'ils disent que le fait de dépasser la partie obligatoire, cela demande une preuve, premièrement. Et on a vu que la parole, ce qui apparaît, c'est celle d'Abu Hurayra. Et que tous ceux qui ont apporté une description de l'odo du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit que il a lavé son visage et ses avant-bras jusqu'au coude et ses jambes jusqu'aux chevilles. Elle dit inclus. Et que les versets également appellent à cela. Ils font partie parmi les derniers versets descendus. Et donc on dit si jamais on dit que par exemple cette parole aurait été correcte, dépassée, alors on, l'avant le visage, on va aussi dépasser. Jusque à l'avant des cheveux qui sont. On ne va pas se contenter du front, on va aller plus loin aussi. Et justement cette partie-là, ça s'appelle plus Rorra. On a dit le Rorra, c'est quoi? C'est une marque qu'il y a sur le front. Tout à l'heure j'ai dit la face, mais en fait c'est le front. Mais bon, c'est vrai qu'un cheval, t'as vu, c'est pas comme le visage d'un homme. Donc cela ne conviendra pas avec le hadith. Et également, on a dit que la parole rajoutée, celle de Abu Huraira. Wallahu ta'ala alam. Non, donc on ne dépasse pas. Il n'est pas mustahab plutôt. Mais quelqu'un qui dépasse un peu, tu vois, ça n'a pas mis son oiseau. Mais le prendre comme une ibad, de dire que c'est meilleur que je fasse ça, non, il n'y a pas de preuve là-dessus. Ça n'a pas été apporté des faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que l'oiseau, comme l'a apporté Cheikh al-Islam, Rahman ta'ala, c'est parmi les caractéristiques de cette communauté. Et là, il a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna ummati yatuna yawm al-qiyama. C'est-à-dire qu'on va reconnaître les muslimines de ceux qui sont les suiveurs de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils il n'y a pas cela chez cette communauté. Alors que dire ce qui fait pas salat? Si c'est pas salat, on ne fait pas l'odo. Enfin, la salat, c'est sûr qu'il n'y a pas fait l'odo. C'est parmi encore des choses qui appuient que t'as des caisses salat. Non. C'est pas une preuve en soi, tu vois, mais c'est une chose qui appuie, cet avis. Ma foi, ma hala. Taïf, il a ou na, ou alhamdulillah, l'obé l'anamine.